Je veux trouver ma solitude. Je suis fait comme vous. Non, je ne suis pas malade. Moi aussi, j'ai une âme. Il me faut rire, me raconter. Et si parfois le soir je hante les endroits noirs, ce n'est pas par perversité. Les autres aussi le savent que je vais là pour le rencontrer. Celui qui part. Parlez de mauvaises créatures, c'est que vos yeux jamais n'ont su regarder la nature. Comprenez, je suis très simple, ne pensez pas à ma place. Non, je ne suis pas dingue, ne mangez pas mon espace. Maintenant je veux pouvoir rire, peut-être est-ce banal pour vous. J'ai envie de le dire, je l'ai trouvé seul. Parfois vous nous croisez, vous nous verrez heureux et enlacés. Faites-nous grâce de vos sarcasmes, puisque vous aimez la liberté. Ne nous prenez plus pour un spectacle. Moi je ne veux plus me cacher ou me retrouver seul dans la rue. Alors emballez vos clichés car ils sont dépassés. Et laissez-nous aimer.